antiponage. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Où est-elle? Là-dedans. Fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaie un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Non, je n'en veux que faire de ça. C'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Il n'y a office qui tienne, chez votre serviteur. As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là. Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Oh, toi de là aussi? Est-ce que je suis pas assez grande pour me défendre moi-même s'il fait quelque chose qui soit pas à faire? Je ne veux pas qu'il te tente, moi. Fille, le vilain qui est jaloux de sa femme. Voici ma fille.